Zacharie chapitre 6. Et j'élevai encore mes yeux, et regardai, et voici quatre chariots, qui sortaient d'entre deux montagnes, et ces montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier chariot il y avait des chevaux roux, au second chariot, des chevaux noirs. Au troisième chariot, des chevaux blancs, au quatrième chariot, des chevaux cendrés, mouchetés. Et je pris la parole, et dis à l'ange qui parlait avec moi, « Mon Seigneur, que veulent dire ces choses ?» Et l'ange répondit, et me dit, « Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Quant aux chariots où sont les chevaux noirs, ils sortent vers le pays de l'Aquilon, et les blancs sortent après eux, mais les mouchetés sortent vers le pays du Midi. Ensuite les cendrés sortirent, et demandèrent d'aller courir par la terre. Et il leur dit, « Allez, et courez par la terre. » Et ils coururent par la terre. Puis il m'appela, et me parla, en disant, « Voici, ceux qui sortent vers le pays de l'Aquilon, ont fait reposer mon esprit dans le pays de l'Aquilon. » Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Prends de ceux qui sont de retour de la captivité, savoir, de chez Zeldaï, de chez Tobija, et de chez Jedaïa, et viens ce même jour-là, et entre dans la maison de Josia, fils de Sophonie, qui sont venus de Babylone. Et prends de l'argent et de l'or, et fais-en des couronnes, et les mets sur la tête de Jehozua, fils de Jehotsada, grand sacrificateur. Et parle-lui, en disant, ainsi a parlé l'Éternel des armées, disant, voici un homme, duquel le nom est Germe, qui germera de dessous soi, et qui bâtira le temple de l'Éternel. Oui, lui-même bâtira le temple de l'Éternel, et lui-même sera rempli de majesté, et sera assis, et dominera sur son trône, et sera sacrificateur, étant sur son trône, et il y aura un conseil de paix entre les deux. Et les couronnes seront à Elém, et à Tobija, et à Jedaïa, et à An, fils de Sophonie, pour mémorial, dans le temple de l'Éternel. Et ceux qui sont de loin, viendront, et bâtiront le temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, et ceci arrivera si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu.